si l'homme n'existait plus, que la terre serait restée verte nature, ocre sauvage à l'odeur. Que la vie n'était qu'illusion, ou n'était qu'un mirage, comme l'est l'amour né sans raison et perdu pris dans une cage. Et si l'homme n'existait plus, ou n'avait pas grandi, resté innocent, comme l'est habituellement un enfant. Que la vie ne serait qu'une fête, sans tristesse ni malheur, comme quand on rêve que tout s'arrête. Possible le bonheur. Et si l'homme n'existait pas, mais serait-ce d'être supposé de lumière, aussi fragile qu'une feuille de verre. Que sa vie serait éternelle, seulement nourrie de paix et d'amour, comme une image qu'on trouve trop belle. L'homme était juste différent, ni jaune, ni noir, ni blanc, pas tiré du tout par l'argent. Dans sa vie que des vainqueurs, grands, petits, minces ou gros, tous votant pour la même couleur, tous les hommes seraient égaux. Et si l'homme était juste différent, ignorante de son avant, il ne serait qu'intelligent. Que sa vie n'aurait qu'un sens, celle du respect de tout vivant, comme propose ce qui pense, mais pour qui c'est pas le moment. Assis-là, autrement. Assis-là. Oh. remords.